5 scientifiques, Crone, Grim Reapers et Co-Fils. OP, voit les agents infiltrer la matrice, voulant éliminer les gens de paix, comme ils l'ont fait pour Lumumba Patrice. Ici-bas est une tentatrice, affichant ses parures telle une cantatrice. Libératrice, la vérité est télépatrice, salvatrice, sur le mensonge dominatrice, inspiratrice, à faire le bien instigatrice. Sans elle, la justice n'est que factice. Trop d'artifices, brise le faux, ne laisse pas le mal traverser ton iris. Vise le haut, hisse ton âme, au-delà des pièges d'Iblis. Dans la bise de l'insouciance, les hommes périssent. Guerre sans et sévice, face à l'inéquité, mon aura s'érisse. OP, que l'amour nous guérisse. Renforce mon cœur, mon corps, mon édifice. Comme Abraham et son fils, sur l'autel du sacrifice. La vie est un test, Inch'Allah qu'on réussisse. OP, opérationnel. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel. OP, opérationnel.